Les éditions de l'Avenir présentent Relations des Jésuites, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Volume 1, embrassant les années 1611-1626 et la période de 1632 à 1641. Québec, Augustin Côté, éditeur-imprimeur, près de l'archevêché, 1858. Relation de 1611. Chapitre 7. De la médecine des sauvages. Il est assuré que les disettes grandes suffoquent l'esprit et l'oppressent de leur importun et tyrannique service, en sorte qu'à peine peut-il revenir à soi jamais ou se regaillardir en quelque gentille considération, non pas même songer aux autres moindres nécessités pour leur aller au-devant ou les alléger, préoccupé toujours et violenté par les plus fortes. Nous voyons ceci en nos pauvres sauvages, lesquels, pour ne vivre qu'au jour et à la journée, et par conséquent toujours asservis à la crainte de la faim, première et plus forte nécessité de toutes, n'ont moyen de cultiver leur esprit en la recherche des sciences, non pas même de se pourvoir des arts et industries pour l'aisance et améliorement de la vie, ni pour fournir aux autres défauts, quoique bien pressants. À cette cause, donc, il manque non seulement de toutes lettres et beaux artifices, mais aussi, chose misérable, de médecine, soit pour l'entretien de leur santé, soit pour le secours de leur maladie, sinon en ce peu que je dirai. Ils entretiennent leur santé, l'été principalement, par l'usage des étuvées et suries, et du beignet. Ils se servent aussi de friction, après laquelle ils soignent tout le corps d'huile de loup marin, ce qui les rend fort fâcheusement puants à qui n'y est accoutumé. Néanmoins, cette onction fait que le chaud et le froid leur en sont plus tolérables, que leurs cheveux ne sont pas pris par les bois, mais glissent. Que la pluie et mauvais temps ne leur nuisent à la tête ni coulent au bas jusqu'aux pieds. Item que les moucherons, qui là sont cruels en été et plus qu'on ne croirait, ne les tourmentent point en partie nue, etc. Ils usent aussi du petun et en boivent la fumée de la façon commune en France. Cela leur profite sans doute, voire leur est du tout nécessaire, vu les grandes extrémités qu'ils endurent de froid et mauvais temps, de faim, de réplétion ou saturité. Mais aussi beaucoup de maux leur en adviennent à cause de leur excès en cela. C'est tout leur déduit quand ils en ont, et de certains Français aussi bien que d'eux, qui s'y acoquinent tellement que pour boire de ces fumées, ils vendraient leurs chemises. Tous leurs devis, traités, bienveillements et caresses se font avec ce pétain. Ils se mettent en rond alentour du feu, devisant et se baillant le pétunoir de main en main, et s'entretenant en cette façon plusieurs heures avec plaisir. Tel est leur goût et coutume. Or, ceux qui professent entre eux la médecine sont les mêmes qui maintiennent l'état de la religion, savoiraient, les autres moins, qui, en charge, représenteraient nos prêtres d'ici et nos médecins, mais triacleurs mensongers et trompeurs. Toute leur science et la connaissance de quelque peu de simples laxatifs ou astringents, chauds ou froids, lénitifs ou corrosifs, pour le foie ou pour le rognon, et le hasard de bonne fortune, voilà tout. Mais leurs malices et tromperies sont grandes, desquelles je vous présenterai ici un échantillon, vous assurant n'y avoir rien de fin ou contourné en tout ce que je vous en raconterai, quoiqu'il semble incroyable. Le sauvage, se sentant mal extraordinairement, se couche tout au long du feu. Lors, on lui dit « Ouescousi, ouescousi, il est malade. » En son temps, on lui donnera sa part de ce qu'on aura rôti, bouilli ou traîné par les cendres, tout ainsi qu'aux autres, car de lui chercher ou apprêter quelque chose de particulier, ils n'en ont point d'usage. Si donc le malade mange ce qu'on lui aura braillé, bon pour lui fasse. Sinon, l'on dira qu'il est bien malade. Et après quelques jours, si l'on peut, on mandera quérir l'autre moins, que les Basques appellent « pilotois », c'est-à-dire « sorcier ». Or, ce pilotois, ayant considéré son malade, le souffle et ressouffle avec je ne sais quels enchantements. Vous diriez que ces vents pectoraux doivent dissiper la cacochimie du patient. Que s'il voit, après quelques jours, que pour tout son boursouflement, le mal ne disparaît point, il en trouve bien la cause à son avis. C'est, dit-il, pour autant que le diable est là, au-dedans du malade, le tourmentant et empêchant la guérison, mais qu'il faut l'avoir, le mauvais, l'enlever de force et le tuer. Lors, tous se préparent à cette héroïque action que de tuer Belzébuth, et l'autre moins les avertit d'être bien sur leur garde, car il se peut bien faire que cet audacieux, se voyant malmené par lui, se rue sur quelqu'un de la troupe et l'étrangle là. Pour cette cause, il distribue à chacun son acte de fable. Mais elle serait trop longue à raconter, car elle dure bien 3 heures. Le sommaire est que le jongleur enfouit dans un creux bien profond en terre une cheville à laquelle il attache une corde. Puis, ayant fait divers chants, danses et hurlements sur le trou et sur le malade, qui n'en est pas loin, tel qu'il y en aurait assez pour étourdir un homme bien sain, il prend une épée toute nue et s'en démène si furieusement autour de lui qu'il en sue à grosses gouttes par tout le corps et bave comme un cheval. Sur quoi, le spectateur étant déjà intimidé, lui, d'un effroyable et vraiment énerguménique ton, redouble ses dénonciations et mugissements. Qu'on se garde! Il est en fougue, le Satan! Il y a du grand danger! À ce cri, les pauvres abusés deviennent pâles, à demi-morts comme linge, et tremblent comme la feuille sur l'arbre. Enfin, cet affronteur s'écrie d'un autre accent plus gaillard. « Il en a le maudit cornu! Je le vois là, tout étendu, aux abois, et pantelant dedans la fosse. Mais courage, il le faut avoir du tout et l'exterminer entièrement! » A donc, le monde présent bien aise et tous les plus robustes, de grande joie, se jettent à la corde pour enlever Satan et tirent et tirent. Mais ils n'ont garde de l'avoir, l'autre moins ayant trop bien fiché la cheville. Ils tirent encore une autre fois tant qu'ils peuvent, mais pour néant, tandis que le pilotois, de temps en temps, va décharger ses blasphèmes dessus la fosse et faisant semblant de donner à l'ennemi d'en faire grandes estacades, déchausse peu à peu la cheville, laquelle enfin, à force de tirer, s'arrache, apportant avec soi quelques badineries que le charlatan avait attachées au bout, comme des ossements pourris de moulu, de rognures de peau chargées de fientes, etc. Alors, joie partout. Il a été tué, le méchant Lucifer. Nepk, Nepk. Tenez, envoyez-vous les marques. Oh, victoire! Vous guérirez, malade. Si le mal n'est pas plus fort que vous, je veux dire, si le diable ne vous a pas déjà blessé à mort. Car ici est la dernière scène de la farce. L'au moins dit que déjà le diable étant tué ou bien blessé, ou du moins dehors, je ne sais, ou bien loin, il reste à savoir s'il n'aurait point laissé le malade blessé à mort. Pour deviner cela, il faut qu'il songe. Aussi a-t-il bon besoin d'aller dormir, car il est fort travaillé. Cependant, il gagne temps pour voir les crises de sa maladie. Ayant bien dormi et songé, il revoit son malade, et selon les pronostics qu'il reconnaît, il le prononce de voir ou vivre ou mourir. Il n'est déjà si tôt de dire qu'il vivra s'il n'en a des prorétiques assurées. Il dira donc qu'il mourra, par exemple, dans 3 jours. Or, ayez maintenant une belle façon de vérifier ses prophéties. Premièrement, le malade, dès qu'il est ainsi jugé à mort, ne mange point, et l'on ne lui donne rien de plus. Que si le 3e jour venu, il ne meurt point encore, ils disent qu'il n'y a je ne sais quoi du diable, qui ne le permet pas espérer à son aise. Par ainsi, on s'en court à l'aide. Où? À l'eau. Quoi faire? En apporter des pleins chaudrons. Pourquoi? Pour la lui verser toute froide dessus le ventre et ainsi lui éteindre toute chaleur vitale si aucune lui reste. Il faut bien qu'il trépasse le 3e jour, puisqu'il ne veut pas mourir de soi, on le tue. Le père Edmond Masse se rencontra une fois en un tel badinage et en convainquit manifestement la piperie et fausseté. Mais on ne saurait dire combien peu la coutume et l'autorité déjà préjugées, encore même contre les démonstrations oculaires. Car toutes vos raisons, et apportez-en 1000 si vous voulez, sont biffées par ce seul trait qui leur reste en main. Aoti Shabaya. C'est, disent-ils, la façon de faire des sauvages. Vous usez de la vôtre, nous de la nôtre. Chacun prise ses merceries. Mais en dépit de ces malencontreuses prédictions hautmoinales, nous avons vu, par la grâce de Dieu, qui sont échappés et revenus en santé par le bon soin et cure des Français, comme même Berthoud, que M. de Potrincourt retira d'une telle mort, et depuis, de notre temps, son fils Actodine. Ce qui a grandement discrédité ces désastreux magiciens et a ouvert les yeux à cette pauvre gentilité, à la grande gloire de notre Sauveur et consolation de ses serviteurs. Pour la cure des plaies, les autres moins n'y entendent guère plus, car ils ne savent que sucer la blessure et la charmer, et apposant quelques simples aux rencontres de la bonne aventure. Cependant, la commune opinion est qu'il faut faire plusieurs et bons présents à l'autre moins à cette fin qu'il ait meilleure main, car, disent-ils, cela y fait beaucoup en toutes sortes de symptômes. Les mêmes pilotois ont aussi ce privilège que de recevoir de tous et de ne donner à personne, ainsi que s'en vantant un faux vieillard ou dit père Ennemont-Mas. C'est une belle exemption de taille que celle-là, ne rien donner et recevoir tout. Chapitre 8. De leurs testaments, leurs obsèques et enterrements, et de leur religion. Le malade ayant été jugé à mort par l'autre moins, ainsi que nous avons dit, toute la parenté et les voisins s'assemblent, et lui, au plus haut appareil qu'il peut, fait la harangue funèbre, récite ses gestes, donne des enseignements à sa famille, recommande à ses amis, enfin dit adieu. Voilà tout leur testament. Car de dons, ils n'en feront point, mais tout au contraire de nous, les vivants en font aux mourants, ainsi qu'ouirez. Seulement, faut accepter la tabagie, parce qu'elle est une rubrique générale qu'il faut observer pour tout, afin que les cérémonies soient suivant le droit. Donc, si le mourant a quelques provisions, il faut qu'il en fasse tabagie à tous ses parents et amis. Cependant qu'elle cuit, les assistants lui font réciproquement leur présence en signe d'amitié. Des chiens, des pots, des flèches, etc. On tue ces chiens pour les lui envoyer au-devant en l'autre monde. Les 10 chiens encore servent à la tabagie car ils y trouvent du goût. Ayant banqueté, ils commencent leur harangue de commisération et leurs adieux pitoyables. Que le cœur leur pleure et leur saigne de ce que leur bon ami les quitte et s'en va, mais qu'ils s'en aillent hardiment, puisqu'ils laissent de beaux enfants, qui seront de bons chasseurs et vaillants hommes, et de bons amis, qui bien vengeront les torts qu'on lui a faits, etc. Ce train dure jusqu'à ce que le trépassant expire. Ce qu'arrivant, ils jettent des cris horribles, et est chose curieuse que leur manie, lesquelles ne cessent ni jour ni nuit, quelquefois durant toute une semaine, selon que le défunt est grand et que les complorants ont de provisions. Si la provision défaut entièrement, ils ne font qu'enterrer le mort et diffèrent ses obsèques et cérémonies à un autre temps et lieu, au bon plaisir du ventre. Cependant, tous les parents et amis se barbouillent la face de noir et, le plus souvent, se peignent d'autres couleurs, mais c'est pour se faire plus beaux et jolis. Le noir est leur marque du deuil et tristesse. Ils enterrent leur mort en cette façon. Premièrement, ils emmaillotent le corps et le garrottent dans des pots, non de son long, mais les genoux contre le ventre et la tête sur les genoux, tout ainsi que nous sommes dans le ventre de notre mère. Après, la fosse étant faite fort creux, ils l'y logent, non à la renverse couchée comme nous, mais assis, posture en laquelle ils s'aiment fort et qui, entre eux, signifie révérence. Car les enfants et jeunes s'assoient en présence de leur père et des vieux qu'ils respectent. Nous autres, nous en rions et disons que c'est s'asseoir en guenon. Eux, prisent cette façon, et la trouvent commode. Depuis le corps logé, n'arrivant pas à fleur de terre pour la profondeur de la fosse, ils voûtent la dite fosse avec des bâtons, à cette fin que la terre retombe dedans, et ainsi couvrent le tombeau au-dessus. Si c'est quelque illustre personnage, ils bâtissent une sorte de pyramide ou monument à tout de perches liées par ensemble, aussi cupide de gloire en cela que nous en nos marbres et porphyres. Si c'est un homme, ils y mettent, pour enseignes et marques, son arc, ses flèches et son pavois. Si c'est une femme, des cuillères, des matachias ou joyaux et parures, etc. J'ai pensé m'oublier du plus beau. C'est qu'ils énument avec le défunt tout ce qu'il a, comme son sac, ses flèches, ses peaux et toutes ses autres besognes et bagages, et encore ses chiens s'ils n'ont été mangés. Voir, les vivants y ajoutent encore plusieurs telles offrandes pour amitié. Estimez par là si ces bonnes gens sont loin de cette maudite Amaris que nous voyons entre nous, laquelle peut avoir les richesses des morts, désire et pourchasse la perte et trépas des vivants. Ses obsèques ainsi faites, il s'enfuit du lieu et haïssent dès lors toute la mémoire du mort. S'il arrive qu'il en faille parler, c'est sous un autre nom nouveau. Comme, par exemple, le sagamo Choudon étant mort, il faut appeler le père. Même Bertou, nommé le grand capitaine, et ainsi du reste. Or, toute leur religion, pour le dire en un mot, n'est autre que sorcellerie et charme des autres moins, tels que nous vous avons récité ci-devant, parlant de leur maladie. Ils ont beaucoup d'autres semblables sacrifices faits au diable pour avoir bonne fortune à la chasse, pour la victoire, pour le bon vent, etc. Ils croient aussi aux songes, afin que nulle sorte de folie ne leur manque. Aussi, dit-on que souvent ces nécromanciens depuis le toit provoquent des spectres et illusions aux yeux de ceux qui les croient, faisant apparaître des serpents et autres bêtes qui entrent et sortent de leur bouche, tandis qu'ils haranguent, et plusieurs autres semblables traits de magiciens. Mais je ne me suis jamais rencontré en semblable spectacle. On nous donnait aussi à entendre devant qu'arrivait là que le malin esprit tourmentait sensiblement le corps de ces pauvres gens avant le baptême et non après. Je n'ai rien vu de tout cela, ni ouï dire étant sur le lieu, quoique je m'en sois fort enquêté. Ce que je mets ici, afin de rembarrer les faux témoins de Dieu, comme les appelle saint Paul, c'est-à-dire ceux qui racontent des faux miracles pour honorer Dieu, combien que l'écrivain du factum qui a retrouvé tel mensonge n'avait pas dessein d'honorer Dieu en annonçant ses miracles, mais de charger les jésuites, comment que ce fut. Les sauvages m'ont bien souvent dit que du temps de leur père, et avant la venue des Français, le diable les mâtinait fort, mais qu'il ne le fait plus maintenant comme il a peur. Mme Bertou aussi m'a assuré, qu'étant encore haute moins, car il l'avait été et fort célèbre, le diable s'était apparu suivante fois à lui. Mais qu'il l'avait quitté, ayant fort bien connu qu'il était méchant, parce qu'il ne commandait jamais que de mal faire. Voilà tout ce que j'en ai pu apprendre. Ils croient un dieu, se disent-ils, mais ils ne savent le nommer que du nom de soleil, ni Skeminou, ni ne savent aucune prière ni façon de l'adorer. Un jeune hôte moins, interrogé par moi sur cela, répondit que quand ils étaient en nécessité, ils prenaient sa robe sacrée, car les hôtes moins ont une robe précieuse exprès pour leurs orgies, et, se tournant vers l'Orient, disait « Niskaminou, Igwemuni, ni même Marquam, notre soleil ou notre dieu, de nous a mangé. » Qu'après cela, ils allaient à la chasse et volontiers avec bonheur. Autre chose ne me sut-il dire. Ils tiennent l'immortalité de l'âme et la récompense des bons et des mauvais, confusément et en général. Mais ils ne passent point plus avant en recherche ni souci, comment cela doit être, occupés toujours ou préoccupés ou des nécessités de la vie ou de leurs us et coutumes. Voilà brièvement le plus principal de ce que j'ai pu apercevoir de ces nations et de leur vie. Mais si, or, nous venons à semer le tout et à parier leurs biens et leurs maux avec les nôtres, je ne sais si, en vérité, ils n'ont point bonne raison de préférer, comme ils font, leur félicité à la nôtre, au moins si nous parlons de la félicité temporelle que les riches et mondains cherchent en cette vie. Car, si bien ils n'ont pas tous ces délices que les enfants de ce siècle recherchent, ils sont francs des maux qui les suivent et ont du contentement qui ne les accompagne pas. Il est vrai néanmoins qu'ils sont purement et absolument misérables, tant parce qu'ils n'ont aucune part à la félicité naturelle qui est en la contemplation de Dieu et connaissance des choses grandes et perfection des parties nobles de l'âme, comme, principalement, parce qu'ils sont hors la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 9. quel moyen il peut y avoir d'aider ces nations à leur salut éternel. Vous avez oui jusqu'ici quel est le naturel des terres de la Nouvelle-France et les façons, arts et coutumes principales des habitants. Or, maintenant, le tout bien considéré, enfin je crois que le résultat de toutes les opinions, avis, expériences, raisons et conjectures des sages ne pourrait être guère que celui-ci, savoirait qu'il n'y a point l'apparence de jamais pouvoir convertir ni aider solidement à salut ces nations si l'on y fonde une peuplade chrétienne et catholique, ayant suffisance de moyens pour vivre, et de laquelle toutes ces contrées dépendent, même quant aux provisions et nécessités du temporel. Tel est le résultat et conclusion des avis. Or, comment est-ce que s'y pourrait dresser, fournir et entretenir cette colonie et peuplade? Ce n'est point ici le lieu d'en minuter et articuler les chefs. Seulement avertirai-je que c'est une grande folie à des petits compagnons que de s'imaginer que baronnie et je ne sais quel grand fief et tènement en ces terres, pour 3 ou 4 000 écus, par exemple, qu'ils auront à y froncer. Le pis serait quand cette folle vanité arriverait à gens qui fuient la ruine de leurs maisons en France. Car, à tel convoiteux, infailliblement, adviendrait, non que borgne, il régnerait entre les aveugles, ainsi qu'aveugles, il s'irait précipiter en la fosse de misère, et possible ferait-il au lieu d'un château chrétien une caverne de larrons, un nid de brigands, un réceptacle d'écumeurs, un refuge d'opendards, un atelier de scandale et toute méchanceté. Qui serait lors plus en peine à votre avis? Ou des gens de bien et craignant Dieu se trouvant enveloppés et mis telle compagnie, ou telle compagnie se trouvant liée et contrainte par des gens de bien entremêlés? Il y aurait des secousses infailliblement, des uns contre les autres, et Dieu sait quelle en pourrait être l'issue. Aussi, de l'autre côté, s'il ne faut-il point tant exagérer les dépenses, difficultés et inconvénients possibles, qu'on en désespère les moyens et bon événement. Car, à la vérité, pourvu qu'il y eût du ménage et bonne conduite, j'estime qu'il y a plusieurs maisons particulières dans Paris et autre part qui ont les moyens égaux à l'entreprise, voire et sans grandement incommoder leurs affaires par deçà, si Dieu leur en donnait la volonté.